The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. To feel. Se sentir. To want. Avoir envie de. To vomit. Vomir. To feel seasick. Avoir le mal de mer. To feel like. Avoir l'impression. To calm down. Se calmer. Boat. Le bateau. Wave. La vague. Now, a bit faster. To feel seasick. Avoir le mal de mer. To vomit. Vomir. Boat. Le bateau. To want. Avoir envie de. Boat. Le bateau. To feel like. Avoir l'impression. Wave. La vague. To feel like. Avoir l'impression. To feel. Se sentir. To calm down. Se calmer. To vomit. Vomir. To feel. Se sentir. To feel like. Avoir l'impression. To feel. Se sentir. To feel seasick. Avoir le mal de mer. To want. Avoir envie de. Wave. La vague. Now, use the words in context. Vomir. He really is sick. He spent the night vomiting. Il est vraiment malade. Il a vomi toute la nuit. Se sentir. I feel so good with you. Je me sens tellement bien avec toi. Avoir l'impression. I feel like I know this place. J'ai l'impression de connaître cet endroit. Avoir envie de. I'm hungry, I want a pizza. J'ai faim. J'ai envie de manger une bonne pizza. Se calmer. Calm down, the match is going to start soon. Calme-toi, le match commence bientôt. Vomir. He really is sick. He spent the night vomiting. Il est vraiment malade. Il a vomi toute la nuit. Se sentir. I feel so good with you. Je me sens tellement bien avec toi. Avoir envie de. I'm hungry, I want a pizza. J'ai faim. J'ai envie de manger une bonne pizza.